Hector, viens dans ma chambre, dit-elle d'une voix qui ressemblait à un souffle. Que ta fille ne te voie pas ainsi. Viens, mon ami, viens. Où trouver 200 000 francs? Je puis obtenir l'envoi de Claude Vignon comme commissaire. C'est un garçon spirituel, intelligent. C'est l'affaire de 2 jours. Mais 200 000 francs, mon fils ne les a pas. Sa maison est grevée de 300 000 francs d'hypothèque. Mon frère a tout au plus 30 000 francs d'économie. Neucingen se moquerait de moi. Vous vinez? Il m'a peu gracieusement accordé 10 000 francs pour compléter la somme donnée pour le fils de l'infâme Marneff. Non, tout est dit. Il faut que j'aille me jeter aux pieds du maréchal, lui avouer l'état des choses, m'entendre dire que je suis une canaille, accepter sa bordée afin de sombrer décemment. Mais Hector, ce n'est plus seulement la ruine, c'est le déshonneur, dit Adeline. Mon pauvre oncle se tuera. Ne tue que nous, tu en as le droit, mais ne sois pas un assassin. Reprends courage, il y a de la ressource. Aucune, dit le baron. Personne dans le gouvernement ne peut trouver 200 000 francs, quand même il s'agirait de sauver un ministère. Ô Napoléon, où es-tu? Mon oncle, pauvre homme! Hector, on ne peut pas le laisser se tuer déshonoré.